Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchiste est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. On est revenu en été, il fait une chaleur d'enfer. Je suis dans le studio à Blanquefort et je suis quasiment nu. C'est ça l'avantage de faire de la radio. C'est parce que vous ne me voyez pas. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet. Je vais vous présenter la saga des Fab Four jusqu'à 22h02 peut-être. Et c'est une émission spéciale, une émission consacrée aux Beatles, les fabuleux Beatles. Entre 1962, octobre 62, avec le Love Me Do, on va marquer ça comme point de départ au moment où ça y est, ils sont tous ensemble, ça y est, la machine Beatles est lancée. Et puis maintenant, le nouvel album de Paul McCartney, Egypt Station. Donc on a tout ça, on a plus de 50 ans d'étendue, c'est absolument merveilleux. Bientôt 60, c'est fantastique. J'adore ça et j'ai créé cette émission en 1984 et a priori, si la vie est gentille avec moi, je vais continuer encore un certain temps à vous présenter cette émission ici sur RG, j'espère, et ça se passera très très bien. On écoutera donc sur Egypt Station, I Don't Know, qui est une de mes chansons préférées sur cet album. Elle est vraiment, elle sonne comme un classique McCartney, je trouve, voilà. Il y aura Come On To Me, il y aura Who Cares, il y aura For You, il y aura Happy With You, et on terminera avec une chanson bonus, Get Started, qui est sur la version sur laquelle il y a deux chansons en plus. La version, je crois que le petite tirette là, verte, élastique, je crois. Je crois qu'il y a un rouge et un vert, et c'est le vert où il y a les bonus. À moins que ce soit le contraire. Écoutez, c'est pas grave, du moment qu'on a la chanson, c'est bien. On écoutera également du Lennon, ce sera Cripple Inside sur Imagine en 1971. Il y aura pour George Harrison Art of Dying sur le fantastique album All Things Must Pass de 1970. Ringo Starr nous chantera Early 1970, qu'il a chanté curieusement en 1971. Faut le temps de créer la chanson et puis le temps de sortir le 45 tours parce que c'est la phase B de It Don't Come Easy. Et puis il y aura Baby It's You pour les Beatles. Pour le reste, eh bien, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Nous allons commencer, puisque le générique se termine, avec l'album de la semaine. Et chose extraordinaire, Paul McCartney lui-même vous parle de la première chanson, I Don't Know. Je lui passe la parole. Paul, it's up to you. I don't know, I wrote this after going through a difficult period. J'ai écrit like cette chanson après une période difficile. Or anything, but just one of those days when it's like, oh my God, what am I doing wrong here, you know? And c'était de ces périodes où on se dit, oh là là, est-ce que j'ai tort, est-ce que je fais mal? To write a song, because you're coming from your soul. And we often used to say that writing a song was like talking to a psychiatrist, a therapist or something, because you're on dit souvent que saying, chanson, c'est it, comme parler à un psychiatre. Saying it in a song and rather in a room to a specialist. Et en fait, dans la chanson, on s'exprime plutôt que le dire à un psychiatre. This problem out and putting it into a song. Et moi, j'avais envie de sortir ça et de le mettre dans une chanson. Mais là, la voilà la chanson. I don't think I can take anymore. Je fais un petit crochet, ça a un rapport indirect avec l'émission. J'ai découvert très récemment un restaurant qui s'appelle Twist & Crêpe, qui est à Talence, et je vous invite à y aller parce que d'abord c'est très bon, et ensuite tout le restaurant est décoré avec des effigies des Beatles, des affiches des Beatles. Bref, c'est absolument génial de manger dans des conditions comme ça, et je sais, parce que l'ordinateur me dit tout, que ce soir, ils font la soirée avec la saga des Fab Four. Donc bonjour tout le monde et bon appétit. Got plenty of charm, beep beep. He's got no cows, but he's got a whole lot of sheep. A brand new wife and a family. And when he comes to town, I wonder if he'll play with me. Laying in bed, watching TV, cooking. With his mama by his side, she's Japanese. They screamed and they cried, now they're free.

premier album des Beatles, l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs en 1963. Premier album enregistré en une journée, ce qui ne s'est plus jamais fait après, puisque pour Sgt Pepper, ils ont mis des mois, par exemple. Seulement quelques années plus tard, 1963, Sgt Pepper, 1967. Vous vous rendez compte, en 4 ans, un jour, plusieurs mois. Bon, la musique a beaucoup évolué aussi, il faut reconnaître, dans les années 60. Nous revenons à l'album de la semaine, ce très bon album. J'avais peur un peu pour la voix. C'est vrai que la voix, il la cache un petit peu pas mal dans les effets sonores, mais quand il chante doucement, ça se passe très très bien. Et je vous propose Come On To Me avec une petite explication de Paul juste avant. Come On To Me is sort of a pickup song, and I'm imagining myself probably in the 60s going to a party and seeing someone and thinking. Je me suis amusé dans les années 60 en allant à une soirée et so it's a sort of an imaginary song, it's a fantasy song about a guy seeing someone and thinking, oh, we should try and find a place to be alone here and maybe exchange information and stuff. And hey, you looked like you flashed a smile and said to me you wanted so much more than casual conversation. So will you come on to me or am I going to come on to you? Yes, I will now. If you come on to me, yeah. voilà un exemple, on en parlait sur Facebook. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure qu'on se retrouve dans le groupe La Saga des Fab Four, forcément sur Facebook, c'est là où on peut parler de l'émission. Vous allez dans le groupe La Saga des Fab Four, sur le topic qui est en haut, il y a marqué La Saga des Fab Four numéro 383, c'est celle-là. Et vous pouvez discuter avec nous sans aucun problème. Et donc, on parlait au sujet du dernier album en disant que certaines chansons, on ne les a pas forcément aimées d'emblée. Eh bien, en voici une. Quand j'ai écouté pour la première fois Come On To Me, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, c'est résolument tourné pour le live, parce que ça me semble, hein, je suis pas musicien, être une chanson assez facile d'accès, et puis deux, trois, quatre écoutes, et puis finalement, bah, comme d'habitude, on a l'air dans la tête, et McCartney a encore gagné. Ringo Starr le disait dans les années 80, il avait fait une émission qui s'appelait Yellow Submarine, forcément, et il disait la capacité extraordinaire qu'a Paul McCartney, c'est de créer des chansons qui vous paraissent pas forcément extraordinaires, mais vous vous rendez compte 15 jours après que vous l'avez toujours dans la tête. Et ça, il est très très fort pour ça, Paul McCartney. Et puis, pas forcément extraordinaire, je suis désolé, Paul McCartney fait des chansons extraordinaires. Je ne dis pas ça parce que c'est mon chouchou, je dis ça juste parce que c'est mon chouchou. Allez, vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four, je suis Thierry Gallet. Je vous adresse mes plus grands vœux de bonne soirée et ce titre, Little Child, les Beatles sur RIG. Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. See, I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun.

sister Sue. Live in a house, I live there too. I lock my doors and get down at night. They get drunk and fight. I sing, hey, would you hold it down? Some of us are trying to be happy. Some of us are trying to be happy, so hey, would you hold it down? Neighbor couple two doors down the street. He's all right, but she's real sweet. I lock my doors and get down at night. They get drunk and fight. Hey, would you hold it down? Some of us are trying to be happy. Some of us are trying to be happy, so hey, would you hold it down? Presidents and ambassadors have the power to start and stop the war. I lock my doors and get down at night. They get drunk and we all have to fight. Hey, would you hold it down? Some of us are trying to be happy. Some of us are trying to be happy. So, hey, would you hold it down? Hey, would you hold it down? C'est une nouveauté 2018, j'ai découvert cet album il y a très très peu de temps. King of the Road, a tribute to Roger Miller. Donc il vient de sortir l'album, évidemment je me le suis procuré pour vous, puisque sur cet album il y a une chanson chantée par Ringo Starr, Hey, Would You Hold It Down? Et puisque c'est nouveau, puisque ça fait partie des Fab Four, eh bien c'est dans la saga du même nom, la saga des Fab Four. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Egypt Station, l'excellent album de Paul McCartney qui vient de sortir. Je vous propose Who Cares et l'explication de Paul juste avant. Et je ne vais pas traduire, je vais vous laisser écouter dans son intégralité. With Who Cares, I was thinking about a song where you actually are talking to the people who may listen to it. And in my case, I was imagining sort of young fans or just young people generally who might hear this and who are going through some sort of problem where they're being picked on, they're being put on. And these days it would be internet bullying, trolls and all that. In my sort of school days, it would have just been bullies and people just generally picking on each other. So I know that that happens all over the world to millions of people. So my thing was to kind of try and help almost kind of give some sort of advice. So the song says, you know, have you ever been fed up with people bullying with you? Has this ever happened? Have you ever people have called you names or done all these mean things? Has this ever happened to you? Well, who cares? And then in a twist at the end of that chorus, it's like, who cares? I do. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Just to dance with you. just to dance with you. Oh, is everything I need. Oh, before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. Oh, if somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. Oh, 'cause I'm happy just to dance with you. Avant cette chanson, Stand By Me 1975 sur l'excellent album Ringo Starr Rock and Roll de John Lennon, et c'est lié cette chanson que nous venons d'entendre, I'm So Happy Just To Dance With You, puisque c'est John qui a composé cette chanson pour George, pour que lui aussi soit dans le coup en 1964 sur l'album A Hard Day's Night. Et la chanson fut même filmée au Scala Theatre de Charlotte Street à Londres. George, qui était le plus jeune du groupe, vivait à l'époque dans l'ombre de Paul et John. Lorsqu'il se mit à composer, il accepta très mal que ses compositions ne soient pas plus souvent intégrées dans les albums. John ressentit également une profonde amertume en 1980 lorsque George publia son autobiographie I Me Mine sans mentionner l'influence qu'il avait eue sur ses compositions. L'influence que John avait eue sur ses compositions à lui, George. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-ci, et je vous propose d'écouter une chanson que j'ai très rarement passée. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que tout le monde la connaît. Il se trouve que tout le monde la connaît. Elle commence comme ça. Il l'a rêvé, Paul McCartney. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said, yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said, something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Saga des Fab Four, c'est sur 90.7 tous les mercredis de 20h à 22h. Je suis Thierry Gallet et je vous accompagne avec les Beatles entre 1962 et 2018. Ici, c'est George Harrison en 76, Crackerbox Palace sur RIG. I was so young when I was born. My eyes could not yet see. And by the time my first dawn, somebody holding me. They said, I welcome you to Crackerbox Palace. We've been expecting you. You bring such joy in Crackerbox Palace. Trying to, not knowing where to start.

just wanna know how you feel. Wanna love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck you. I just wanna fuck you. Là encore, une chanson taillée pour le live et une chanson que j'ai écoutée au début en disant « Oh, c'est quoi ce truc ?» Et finalement, on l'a dans la tête très très vite. Ça reste, et j'aime bien la basse très très lourde. Quand on a un bon son dans la voiture, par exemple, ou même chez soi, ça donne un effet vraiment, vraiment, vraiment excellent. Bon, eh bien, j'aime bien cette chanson. La grosse surprise, et on y vient tout de suite, c'est que le lendemain, je crois, ou peut-être le surlendemain de la sortie de cette chanson-là, parce qu'il a sorti trois chansons avant l'album, il y avait déjà des covers. Déjà des covers. Et nous passons à la cover. La cover, c'est une chanson qu'un artiste connu ou pas chante en reprenant une chanson de Paul, John, Ringo ou George ou des Beatles, ou même si les Beatles eux-mêmes reprenaient une chanson de leur père comme Chuck Berry ou truc comme ça, si l'un des quatre l'a chanté, la cover c'est ça. Et cette fois-ci, sur mon conducteur à moi, j'ai marqué interprète inconnu, Fool You, ukulele cover, et c'est ce qu'on écoute maintenant. Je le découvre, enfin je l'ai écouté qu'une fois, je le découvre en même temps que vous. C'est plutôt sympa aussi, une cover comme ça. Et bah, cet inconnu, merci à toi d'avoir fait ça, c'est plutôt très très bien fait. Come on, baby, now. Let me look at you. Talking about yourself. Try and tell the truth. I can stay up half the night. Try and crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know how you feel. Wanna love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck. Shout. I can stay up half the night. I can stay up half the night playing with your head. I can stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know how you feel. Wanna love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck you. I just wanna fuck you. Wanna know how you feel. Wanna love it so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck you. I just wanna fuck you. I just wanna fuck you. Wanna know how you feel. Wanna love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck you. I

peut dire ce qu'on veut, mais John Lennon, il était vraiment fait pour ça. Le rock and roll, j'adore quand il chante comme ça, avec sa voix bien particulière. Voici deux chansons des Beatles à suivre. Here, There and Everywhere et The Fool on the Hill. Monsieur Paul McCartney, les deux fois sur RG. To them, he knows that they're see the world spinning round. Oh, round, round, round, round. Que c'est bon. 50 ans après, il n'y a rien à faire, c'est toujours très très bon. Voilà, Paul McCartney sur RIG dans la saga des Fab Four. Dans 20 minutes, oh, 22, 23, 24 peut-être, il y aura Eric et son Johnny de A à Z. Il est là, il est chaud, il a envie de vous faire une très très bonne émission. Il la peaufine, là, il est avec son équipe. Ça se passera très très bien dans un peu plus de 20 minutes. Et pour l'instant, voici le bonus du disque. Si vous n'avez acheté que le disque avec 16 titres, vous n'aurez pas ce bonus-là. Alors, parce que je suis gentil, mais je vous le propose. Get Started, j'aime beaucoup, sur l'album Egypt Station de Paul McCartney. So let's get started. I'm ready to be heard before the dear departed can have the final word. In a perfect situation, I'd have told you long ago. Well, now I think it's time you ought to know. So let me tell you, right here and now, I'm gonna love you, and I will tell you. Retour au mois de septembre de la saga des Fab Four ne pourrait pas être sans ma chanson préférée des Beatles. Look at you all, see the love burn.

can do it, whoa, whoa. Yes, we can do it, whoa, whoa. Yes, we can do it, whoa, whoa. Despite repeated warnings of dangers up ahead, well, the captain wasn't listening. Et moi, donc tout va bien. Je vous laisse entre ses mains pour sa merveilleuse émission Johnny de A à Z. Merci à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine pour d'autres aventures. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. À bientôt. Ciao.